are listening to Right On Radio at KFAI 90.3 FM and streaming live on the web at KFAI.org. I'm Liz Olds. Yes. And I'm Josh Weber. I'd like to thank our guests tonight, Dan Henriksen and Lee Gutkind, plus our listeners who make this show possible. Without your support and donations, KFAI would not be possible. You can find out more news and info about Right On Radio at kfai.org/program/Right On Radio. Plus, listen to recent episodes on our recently launched podcast, found on Spotify, iTunes, and anywhere podcasts can be found. Now stay tuned to Bonjour, Minnesota. Fresh Air Community Radio is KFAI 90.3 FM HD, Minneapolis, St. Paul, online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Salut la compagnie! Bonsoir tout le monde, bonsoir Freddy, bonsoir Adrien. Bonsoir Romain. Bonsoir Romain. How are you? Doing great. Welcome to Bonjour Minnesota. Yes, a new Bonjour Minnesota. Yes, with still recorded from our homes. Yes, because we're so comfortable. Yeah, and we want to be safe. Yes, indeed. So. And this week, for this show, we're going to have a lot of new artists, artists that have new music. So I was thinking about, you know, Gael Faye or Aya Nakamura. I mean, you know, some artists that just came out and some older that just came out with a new album. Like Francis Cabrel. Yeah. Vianney. Yeah, Vianney is good. I really like him. Even Guy Marchand, who's probably like 88. Yeah. Just came out with a new album called Belleville. Nice. And so, Guy Marchand was also an actor before. Oh, well, yes. I mean, he was doing more acting than singing, actually. Well, he was singing sometimes for his parts, like in Les Bronzés, Les Soudoués en Vacances with Destiné. That was also in Le Père Noël est une ordure. Yeah. Well, that was good. I think I have that song too, but so we'll probably listen to the news. I think we played it when we did the special cinema in May. Yeah. We should do that again. Yes. Definitely. And we should do, I think I'm going to look if we can do like a special reprise cover. Yes. Some other covers. Some American song covered in French, translated and stuff. So that would be, and they were doing a lot of those. Yeah. Yeah. There was a lot of those in the 60s, but there's still some recent one. And there's an artist on who has a YouTube channel called Sarah, and she's specialized in a lot of the covers of more recent songs, so, like Christina Aguilera or that sort of thing. Mm-hmm. So she does like Céline Dion, the Titanic in English. She does it in French. And well, there's Les Franglaises that actually translate word for word American songs into French. I mean, it's more like for humoristic. Humor. Sarah is not, I mean, she really is putting like some work into it. She doesn't do that to be funny. Yeah. And you know, back in the 60s and 70s, it was actually a big part of what French singers like Claude François were doing. And the TV producer, Gérard Louvain, who at the time was actually working with Claude François, his job was basically to listen to American radio stations and to read billboard that someone was sending to him every week from the US to find what was going on in the US. And one day he heard a song and he said, well, that's for Claude François. And that was Le Téléphone Pleure, which was in English first. And I didn't know that. Claude François, well, you know, cover, well, it's not really a cover, he actually. It's a translation. Singing in French, yes. But that one, unlike, you know, My Way, which doesn't have much to do meaning-wise with Comme d'habitude, Le Téléphone Pleure, that's exactly the same story. Gotcha. Yeah. So yes, let's do that. I think it's a great idea. Yeah, we should. All right. So are you ready for the music? Sounds like a plan. Yes. C'est parti. Eh bien, c'est parti, mon kiki. Now we're going to listen to Amir with a song called Carousel. It's like a merry-go-round and it's featuring Indila. Amir was very successful at The Voice and also got to represent France for one of the Eurovision competition. He ended up sixth. Then we're going to listen to Luz and the Yakuza with Dilemme. It's their big success right now. She's from Congo originally, but residing in Belgium now, and their new album Gore is pretty good. Then we're going to listen to Abby Bernadotte with C'est la vie, it's life. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me traîne? J'ai le Vésuve au fond des veines. Elle est si belle, la douleur qui m'interpelle. Le plus beau des coups que la vie assène. Le plus beau décor de corps qui joue la scène. Je suis tant étourdi, je tiens à peine. Mais ses désirs me retiennent. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois. Là tu t'engages, quand tu m'aimes, faudra me préserver jusqu'au souffle dernier. Je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. Oui, je cours. Tout ce que ma peau recèle. J'ai peur de toi comme d'une sublime attraction. Une seconde avant l'action. Si tu m'aimes, si je t'ouvre mon cœur, c'est que tu sèmes une graine, une fleur. Tu devras me garder abîmée ou belle dans ce carrousel. Et je cours, je j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois. J'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Et je cours, j'ai le

jours et des jours tu dérives. Mais jamais, jamais tu n'arrives. It was Oshi with Larmes de Croco, featuring Corinne. Hassani Bilal with Fais le vide. I think he was also representing the Eurovision competition for France, but I'm not 100% sure. And Blancas with Manureva, featuring Alain Chamfort. Now we're going to listen to the band called Junior, and the name of the song is Bizarre. Then it's going to be the band Madame Monsieur. Tout le monde s'en tape. Nobody gives a hoot. Nobody cares. Featuring Claudio Capeo. Then after that it's going to be François Fellman from his new album Latino, and the name of the song is Boom Boom Dans le Coeur, you know, Boom Boom in the Heart, like his heart is beating faster. La faute à qui si tu ne rêves pas? Sous tes mots amers, on peut lire en toi. Tu parles de choses que tu ne connais pas. Va donc voir la mer, tu nous manqueras pas. Je n'aime pas la mer, je n'aime pas les gens. Je n'aime pas l'hiver et je suis jamais content. J'aime pas la misère, je te mets la misère. Pour te démonter, moi j'ai tout mon temps. Est-ce que tu le connais, le chant des critiques? C'est du vent. Je mens comme je respire, je te rendrai tes mains. J'aurai les martyrs si c'est pas suffisant. Je sais me réjouir quand c'est déprimant. Le pont des soupirs, c'est mon appartement. Est-ce que tu le connais, le chant des critiques? Tes mots amers, on peut lire en toi. Tu parles de choses que tu ne connais pas. Va donc voir la mer, tu nous manqueras pas. Je veux pas ton bonheur, je tire à coups de lettres. Tes larmes coulent et je te mords jusqu'au sang. Je suis ta terreur, j'arrive à toute heure. Je suis le loup, celui dont tu as peur. Est-ce que tu le connais, le chant des critiques? C'est du vent. C'est te haïr, satané vampire. Merci mon gars d'avoir fait ça pour moi. Remballe tes menaces, guéris tes angoisses. Merci mon gars, ce soir je trinque à toi. Est-ce que tu le connais, le chant des critiques, le son du néant? Un, deux, trois, si tu veux si la tu guerre, prends mon nom, tu ne l'auras pas. Un, deux, trois, mais si un jour tu veux la trêve, plus personne ne voudra de toi. Oh, la traction. heures se dévoile la bombe trop belle. T'as les cheveux mouillés, je t'ai réchauffé en te frottant le dos. Boum, c'est chaud. C'est comme dans un rêve, tu es ma beauté, mais tout ça me fait peur. Boum. Junior with Bizarre, then Madame Monsieur with Tout le monde s'en tape, featuring Claudio Capeo, and François Fellmad with Boom Boom dans le cœur. Now we're gonna listen to Les Enfoirés. And as a reminder, Les Enfoirés is a charity. I mean, like all the famous artists in France kind of get together, play some songs, and the money is going to Les Restaurants du Cœur. And it's not really a food shelf. I mean, they are serving food to people during the winter months. So the song is La Grenade, and it's originally a song from Clara Luciani. But here it's interpreted by Zazie, Kame, Elena, and Leroy. Then we're going to listen to Aldebert with La Fleur aux Dents. And it comes from an album called À Toi, To You. It's a tribute to Joe Dassin. So all the songs are from Joe Dassin in this album, including this one, but interpreted by current artists. Then we're going to listen to Julien Doré avec La Bise, or The Kiss, and it's from his new album called Aimer. T'as jamais vu une femme qui se bat. Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. En garde sous mon sein là. Une heure à je sommeille, que tu ne sois.

Moi je voulais t'embrasser. Yeah, yeah, yeah. Toi t'as penché comme à Pise. Gauche ou droite t'as hésité. Pourquoi tu me fais la bise? Le fond de l'air m'effraie. Yeah, yeah, yeah. On s'était promis Venise. Mais c'était trop mouillé. Et revoilà la haine en avance. Les couples sont tous les mêmes en vacances. On réserve et on paye ce qu'on ne se dit pas. On réserve et on paye ce qu'on ne se dit pas. It was Les Enfoirés with La Grenade featuring Zazie, Kem, Elena and Le Roi. Then Aldebert with La Fleur aux Dents de Joe Dassin. And Julien Doré with La Bise, The Kiss. Garrett McQueen shares a virtual album encounter as part of Hennepin County Library's Vinyl Revival on Thursday, November 19th at 7 p.m. McQueen will share compositions from Shostakovich, Dvorak, Mehta, and more, challenging what we mean when we say classical music. You can register by visiting Hennepin County Library's website at hclib.org. Search the library's events page for Vinyl Revival album encounters. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Et voilà, it's time to talk about the events. The first thing I want to start with is Thursday, November 19th, and it's the whole day, and it's Give to the Max. I'm sure you already got solicited to Give to the Max or to wait for that day to give to your charities or your favorite nonprofit. A lot of the people are participating. It's the case for KFAI, but just look at the venues that you're used to, and if you can help independent and nonprofit venue for music, I'm thinking about the Cedar, thinking about the Hook and Ladder. For the independent movie theater, I'm thinking about the Tryon. I'm thinking about the MSP Film Society. I'm thinking about the Parkway Theater. And yeah, there's so many more, the Alliance Française and all of your regular charities, whether it's Food Shelves or Amnesty International, or, you know, just take advantage of this day to give what you can. Then on the same day, on Thursday the 19th, starting at 5 p.m., there's an online Soirée Jeune Cadre Dynamique, and you can get tickets at afmsp.org. The Young Professional Group Online Meetup is going to learn about wine, especially Beaujolais, via Zoom, and they're going to hear from Christine Watts of Small Lot Wine. We'll guide them through a degustation of several Beaujolais wines. You have to register in order to get the link for the Zoom event. And on the website or on the Facebook page, whether it's the Alliance Française or Bonjour Minnesota, you can find more details about what wines are going to be looked at and tested or that sort of things. Then, on Friday, November 20th, starting at 4 p.m., Les Jeunes Winter Pictionary. It's also organized by the Alliance Française and it's also online. It's a socially distanced Pictionary, I mean, you know, with Les Jeunes or the Teen Club. The event will take place in La Grande Salle with the garage door open for ample ventilation. They will be respecting social distancing and masks will be required, and the number of people will be limited for the attendance. So afmsp.org if you want more details. Then also on the 20th, it's Friday between 12 and 1 p.m. Beaujolais Nouveau and Beyond. Georges Duboeuf virtual press trip. A curated wine program will accompany your flight. You can register online either on their Facebook page or ours, because we have the event. It goes to the same place. And everybody who registers will get the Zoom link by Thursday the 19th via email. And this is organized by the French American Chamber of Commerce of Minnesota. Then still organized by the French American Chamber of Commerce of Minnesota. And the same day, on the 20th, from 6:30 to 7:30, there's a Soirée Beaujolais Nouveau and Beyond. It's an online event, and it will be streaming live from the University Club in St. Paul. Jack Farrell will conduct the wine tasting, accompanied by Tracy Parent for cheese pairing, and Cathy Ehrman-Bohen for the chocolate experience. You can reserve your delicious Beaujolais to go box now. For more information, you can register it on the link. And same thing, you'll get the link through the email. On Saturday the 21st, at 6 p.m., there's a drive-in, Les Bronzés font du ski. What could be better than watching a cult French comedy during winter? Maybe the first time ever. Come and laugh with Jean-Claude Duss and Popeye from your car during a driving movie night à l'américaine. So there are some costs, there's different costs. If you just want the driving movie and whether you're a member or not of the Alliance Française. And there's also another cost for the apéro box. Apéro is like happy hours. Each box will come with a closed baguette sandwich with ham and raclette, with cornichons and Marcona almond. And if you take a second apéro box, it's less expensive than one. On Tuesday, November 24th, there's going to be a drive-in documentary called Tomorrow. It's also organized by the Alliance Française. Because it's a drive-in and you gotta go, just so you know, the Alliance Française is located on Koufax Avenue North in Minneapolis. This documentary, as mankind is threatened by collapse of the ecosystem, Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphaël et Antoine, all in their 30s, explore the world in search of solutions that can save their children and with them future generations. There's more explanation if you go on the Facebook post. There's a price and it's the same price than the driving on Saturday, and you get a deal if you are a member. This documentary film gained publicity when it won the César in 2016 for Best Documentary Film. On Wednesday, November 25th, from 6 p.m. to 9 p.m., there's going to be the Trivia Night. Same thing, still organized by the Alliance Française. They are being very active, and you can get more detail at afmsp.org. It's also where you can register to reserve your spot. How much do you know about French culture? Join the Trivia Night for French culture with local celebrity John Cosgrove of the podcast Le Grand Fromage and Craftier Rouge, among other projects. Do you know how high the Eiffel Tower is? How many francophone countries there are in the world, and which French city is called La Ville Rose? Enjoy a fun event and test your savoir en France. Trivia questions and answers will be in English. So, you gotta know the answers, but you don't have to speak French. The event will take place both online and in person at La Doña Cervecería. For those attending in person, they will respect the social distancing and a mask will be required. The number of people will be limited also for the in-person. Otherwise, it's online and there's a very small fee. Again, I remind you that mspfilm.org, thetrilon.org, or theparkwaytheatre.com, you can find good selections of French movies, and you're supporting your local venues. Otherwise, for people who have watched The Hookup Plan, it's a French series on Netflix. There was 2 seasons, and I was surprised to see that there was more episode than I thought. Maybe, well, they had a new season, and so I checked it out, and no, it's not a new season of The Hookup Plan, and it's in Paris, and it's French with French actors. It's not like Emily in Paris. It's not very cliche, but this episode that was added was specially made to talk about the confinement and the quarantine, so they all react in a different way, and it's pretty interesting to see. So check it out on Netflix, and I think that's it. Now back to the music. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. Now, we're going to listen to Vianney with Les Imbéciles, The Idiots. Then We Shaded with Tout ce qu'on veut dans la vie, Everything we want in life. And Tim Dupe with Perdu Sato. Sommes-nous le dernier des Mohicans, des malheureux, à nous rêver tout simplement une vie à deux. Et si tout ça fait de nous des fous, tant mieux. Sommes-nous le dernier rempart d'un monde démodé qui rêve de guitare plus que de gros billets. Et si tout ça fait de nous des fous, parfait. C'est écrit dans les magazines, à l'encre débile, à l'encre débile. C'est nous les imbéciles,

qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche, tout ce qu'on veut dans la vie. Was Vianney with Les Imbéciles, Louis Chédid with Tout ce qu'on veut dans la vie, who by the way is the dad of M, Mathieu Chédid, and Tim Dupe with Pertusato. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to Gael Faye, originally from Rwanda, but he's in France now, and from his new album called Lundi Méchant, Bad Mondays. And the name of the song is Kwibuka. Then we're going to listen to Francis Cabrel with Chanson pour Jacques, Song for Jacques, from his new album À l'aube revenant, When the Dawn Comes Back. And Clara Luciani with Chanson pour ma vieille, Song for my old woman. And it's a song from Guy Béart because it's an album dedicated to him. The album is called The Béart à Béart. Au-dessus de ces collines s'élève ma voix à jamais, Ô mon petit pays, ô Rwanda bien-aimé, 1 million de gouttes d'eau qui tombent de terre en ciel, 1 million de nos tombes en trombes torrentielles, de nos fosses profondes à nos points culminants, nous sommes debout maintenant les cheveux dans le vent, à conjurer le sort qu'un désastre engloutit, à se dire qu'on est fort, qu'on vient de l'infini. Je rêve de vous, Kuibuka, I'm dreaming of you. Kuibuka, je rêve de vous. Kuibuka, I'm dreaming of you. Kuibuka. Je rêve de vous, chanson d'un soir d'ivoire. Je rêve de vous, mes mots sont dérisoires. Je rêve de vous, quand l'histoire nous égare. Je rêve debout, au jardin des mémoires. Et vu que je renais déjà de nos abysses, je fais de nos sourires d'éternelles cicatrices. Et j'arpente la vie, sans jamais oublier qu'un orage en avril, qu'un soleil en juillet. Tuza ora, tuba shimira, tuba zirikana, tubibuka. Mubihe byiza twagiranye tuzahora tubahesha agaciro tubibuka n'ubufura ubaranga. Je rêve de vous, kwibuka, I'm dreaming of you. Kwibuka, je rêve. Invaincus, mon souvenir, mes silences nus. Je rêve de vous, dissipe les ténèbres. Je n'oublie pas, je m'habille de vos rêves. Je rêve de vous, vous mes lumières invaincues. Mon souvenir, mes silences nus. Je rêve de vous, dissipe les ténèbres. Je n'oublie pas, je m'habille de vos rêves. Vous savez le nombre de navets qu'on voit sur les chaînes ordinaires. Leur grande utilité, c'est de nous éviter tout ce qui est somnifère. Ça, je crois savoir. Je crois le savoir. Ça, je crois savoir. Chat ronronne et fend du gras, la tête entre les pattes. En regardant un peu, on trouve beaucoup mieux à gauche comme à droite. Et ça, je crois savoir. Je crois le savoir. Ça, je crois savoir. Les soucis, les problèmes, n'en jetez plus, la cour est pleine. Rien à déclarer, juste envie de se marrer. Les fadas, les tordus, la cour est pleine, n'en jetez plus. La vie, c'est une drôle d'histoire, ça je crois le savoir. J'ai quelques bons amis qui accourent quand je crie à table et à la nôtre. Des gens surentraînés qui ont, c'est confirmé, un bras plus fort que l'autre. Pourquoi je crois savoir, je crois le savoir. Pourquoi je crois savoir. Y a une fille alanguie au milieu d'un grand lit qui attend que j'appelle. Si j'étais un guerrier et le monde à sauver, je commencerais par elle. Ça, je crois savoir, je crois le savoir. Ça, je crois savoir. Les soucis, les problèmes, n'en jetez plus, la cour est pleine. Juste envie de se marrer. Les fadas, les tordus, la cour est pleine, n'en jetez plus. La vie c'est une drôle d'histoire, ça je crois le savoir. C'est ma chanson pour Jacques, celui qui se la coule dans son jardin de Corse. Écrite à sa manière, sans me faire une ampoule, sans me faire une entorse. Et ça, je crois savoir. Je n'ai plus de pain, je n'ai plus de vin. Je n'ai plus que toi, ma vieille. Je n'ai plus que toi qui cours à ma voix la nuit lorsque je m'éveille. Et ma bouche mord encore et encore le lait que tu me portes. Qu'il est doux alors, tandis que tout dort, te boire de la sorte. Je n'ai plus de feu, je n'ai plus de lieu, je n'ai plus que toi, ma vieille. Si les glaces sont nids, l'homme son logis, et la chatte sa corbeille. Quand la bise me mord, encore et encore, dans tes bras tu me couvres. Et là je m'endors, bien mieux qu'au dehors. Dans son Louvre. Je n'ai plus de foi, je n'ai plus de loi, je n'ai plus que toi, ma vieille. Une fleur m'a pris une aile et je suis prisonnière comme une veille. Je l'aime et je mords encore et encore la fleur de l'amertume. Elle est jaune d'or, depuis je ne dors, la fièvre me consume. Je n'ai plus de fille, je n'ai plus d'amis, je n'ai plus que toi, ma vieille. Où sont-ils partis? Dis-le-moi, dis-toi seul, toi qui me veilles. Et pourtant je mords encore et encore la main que tu me donnes. Lorsqu'enfin la mort la berce et l'endort, cela ne me pardonne. Lorsqu'enfin la mort, la perce et l'entort, cela ne me pardonne. It was Gaël Faye with Quibuca, Francis Cabrel with Chanson pour Jacques, and Clara Luciani with Chanson pour ma vieille. Now we're going to listen to Christophe. Christophe died recently. And the song we're going to listen to is Les Mots Bleus, and it's featuring Amina. It's from Ultime, which is the best of double CDs with most of his songs, some live, some with collaborations. Then we're going to listen to Patrick Fiori with Si Tu Tombes, If You Fall, and it's featuring Soprano. And in that song, they talk about, you know, I'll get you back and things like that. And then Luan with Donne-moi ton cœur, Give Me Your Heart. Des mariages, des baptêmes, tant de prières. La vie... vie est une page blanche qu'on a remplie depuis l'enfance. Qui aurait pu imaginer qu'on se ressemble? Combien de fois on s'est roulé par terre? Avoue maintenant que t'as un foutu caractère. Une poignée d'années plus tard, on est les mêmes dans le miroir. Y a tant d'amitié, tant de promesses qui s'égarent. Si tu tombes, je te tiendrai. Être cher, laisser les plumes traverser les déserts. On a croisé tant de trésors, mais le plus précieux, le plus fort, c'est de les aimer, les protéger, être père. Si tu tombes, je te tiendrai. Je ne... Si tu tombes, si tu tombes, je te tiendrai la main. Si tu une seconde, aujourd'hui ou demain, sache qu'avec toi je ne crains. Avec toi je ne crains. Avec toi je ne crains rien. Ta mort dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Que le monde ne connaît pas. Je veux revoir le monde de l'autre fois, celui que le monde ne connaît pas. celui que le monde ne connaîtra jamais. À chaque seconde, je meurs de moi. Je suis comme un astre sans lumière. J'existe que quand il me voit. Je pleure d'amour, je ris de peine. Je trouve malheur dans la joie. Je suis un poison dans un remède. Je cours derrière tous tes pas sans trop savoir où tu m'emmènes. La lune est pleine d'amour. Elle me dit qu'elle m'aime. Si peu sereine, une femme qui peine à dire qu'elle s'aime, à dire qu'elle s'aime. J'imagine tellement de choses de moi. C'est peut-être moi que je suis des fois. Je veux revoir le monde de l'autre fois, celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir l'ombre de l'autre toi, celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir le monde de l'autre fois, celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir en toi tout ce que je suis pas. Dis-moi qui tu es, mais surtout s'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es, qui tu es. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es, qui tu es. It was Christophe with Les Mots Bleus featuring Amina, then Patrick Fiori with Si Tu Tombes featuring Soprano, and Louane with Donne-moi ton cœur. Now we're gonna listen to Grand Corps Malade. Big Sick Body is the name of the artist. And the name of the song is Mais Je T'aime, But I Love You, and it's featuring Camille Lelouch from his new album called Mesdames. Then we're gonna listen to Dominique A with Sol d'automne, Don Grounds, and Carla Bruni with Partir dans la nuit, Leaving into the Night. Attends, tu vas voir, l'amour c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.

qu'on est perdu au fond de soi, qu'on se sent comme des mots sans une voix, un sol d'automne sans une feuille, un sol d'automne sans une feuille, un sol d'automne sans une. Grand Corps Malade with Mais Je T'aime featuring Camille Lelouch, then Dominique A with Sol d'Automne and Carla Bruni with Partir dans la Nuit. Now we're gonna listen to Joyce Jonathan, which I really like, and the name of the song is A des milliers de miles, A Thousand Miles Away. Then we're gonna listen to Guy Marchand, who is, you know, both actor and singer, and the name of this song is Chanteur de Charme, Charming Singer, from his new album called Né à Belleville. Je suis partie pour te laisser revenir, pour couper les ponts. Je suis partie rompre avec nos souvenirs, couper l'alimentation. J'ai craqué mille et une fois en regardant des photos de toi. J'ai beau traverser l'Atlantique pour m'éloigner de toi, même à des milliers de miles, t'es toujours là. Je craqué mais une fois en regardant des photos de toi. J'ai beau traverser l'Atlantique pour m'éloigner de toi, même à des milliers de miles, t'es toujours là. J'ai craqué mais une fois en regardant des photos de toi. J'ai beau traverser l'Atlantique pour m'éloigner de toi, même à des milliers de miles, t'es toujours là. Qu'un chanteur de charme, sans un regret, sans un remords. C'est fou comme un sourire de femme, ça peut me désarmer encore. Il ne restera rien de moi, au loin que l'écho d'une voix. Comme la musique d'ascenseur d'un vieux crooner. Voilà qu'on joue la dernière danse, et après viendra le silence. Le vent porte les chansons, les partitions. Merci mesdames, l'homme qui murmure à l'oreille des femmes. Emballez-moi tous les violons et coupez le son. It was Joyce Jonathan with À des milliers de miles, Guy Marchand with Chanteur de charme, and now, just to fill in the blank, if there is any blank, we're going to listen to Django Reinhardt with Nuages. All right, well, we are done for tonight. Thank you.